Mademoiselle Aurélie, par André Lichtenberger. Suivie de l'Angora au poil gris qui se câline au fauteuil en ronronnant, Mademoiselle Aurélie, ainsi que chaque matin de sa vie, fait la revue minutieuse de son salon, comme un général inspecteur examine un régiment, avec un scrupule sévère, un œil de lynx, une défiance soigneuse. Marie-Jeanne est une bonne domestique, mais, que voulez-vous, elle a ses défauts comme chacun de nous. Et l'un d'eux est de ne point remettre chaque meuble dans son coin accoutumé après l'avoir battu, ni chaque objet à sa place quand elle l'a épousté. Défaut précieux, défaut nécessaire. Que deviendrait Mademoiselle Aurélie si Marie-Jeanne était plus ordonnée? C'est une bonne heure qu'elle passe tous les matins trottinée de droite à gauche. Elle hoche la tête, fronce le sourcil, pousse un peu la table, déplace un tabouret, range un cadre et marmotte de discrètes exclamations indignées. L'étourdie! Depuis 25 ans, ne pourrait-elle savoir que le guéridon laqué est à droite de la cheminée et que les coussins du canapé doivent être symétriques? Ah, jeunesse, jeunesse! Mademoiselle Aurélie remet en place le guéridon et assure l'harmonie des coussins. Voilà l'ordre rétabli. Debout, au milieu de son royaume, Mademoiselle Aurélie promène un regard circulaire. Maintenant, Monsieur Jacques peut arriver. Tout est prêt pour le recevoir. Avec un soupir de satisfaction, elle s'assied sur son petit fauteuil bas, pose ses lunettes sur son nez et prend le journal local. En face d'elle, l'Angora a sauté sur son coussin. Il bâille en tirant sa langue rose, cligne de ses yeux mi-clos, puis mollement, sa fesse se met en boule et s'endort. Mademoiselle Aurélie lit d'abord les mariages. Elle lit les morts, elle lit les naissances. Et tout cela l'intéresse puissamment, d'un intérêt chaque jour renouvelé. Cependant, la voilà qui regarde l'heure à la haute pendule empire qui sonna toute celle de sa vie. Aurélie veut reprendre sa lecture, mais son esprit est ailleurs. Elle lit la température avec distraction, parcourt les faits divers sans en savourer l'effroi. Son pied gauche a un petit frémissement d'impatience et le mécontentement plisse son front. Pour sûr, le déjeuner sera en retard, et M. Jacques n'aime point attendre. Mais le front de Mademoiselle Aurélie se détend et un soupir de soulagement effleure ses lèvres. Un gros pas pressé fait trembler le corridor et la porte résonne de deux coups secs. Mais Minet n'ouvre point l'œil, instruit des coutumes quotidiennes. Entrez. Marie-Jeanne apparaît. Elle a déjà sur ses cheveux gris son bonnet blanc de sortie. Le tablier blanc ceint sa taille épaisse et elle porte au bras le panier à provisions. Elle vient prendre les ordres de Mademoiselle pour le marché. Prendre les ordres est une manière de parler, car Marie-Jeanne a des volontés latentes et tenaces. Rarement Mademoiselle Aurélie l'emporte malgré son verbe haut, et généralement elle commande ce que Marie-Jeanne lui suggère de commander. Mais aujourd'hui la discussion se prolonge, car M. Jacques vient déjeuner, et cela est un événement d'importance. M. Jacques est difficile, même un peu gourmand. Il faut s'ingénier pour lui plaire. L'entente se fait sur le potage, sur les crevettes, les œufs à la coque, les pigeons au petit pois. Mais Marie-Jeanne veut un deuxième plat de viande, et Mademoiselle Aurélie tient pour un gâteau à la crème en sus du dessert accoutumé. Marie-Jeanne a des détours astucieux, des retours inattendus, des silences désapprobateurs. Mais Mademoiselle Aurélie demeure inébranlable. Monsieur Jacques adore les plats doux, il en aura. Enfin, une transaction intervient. Il y aura un gâteau à la crème, mais on ne l'achètera pas chez le pâtissier. Marie-Jeanne le confectionnera elle-même. Vous n'aurez pas le temps, Marie-Jeanne. Que si, on a toujours le temps. Satisfaite de sa défaite honorable, Marie-Jeanne se retire lestement. Si lestement, qu'elle frappe la porte derrière elle. Minet ouvre l'œil. Mademoiselle Aurélie tressaillit. Toujours bruyante, cette Marie-Jeanne. Ah, la jeunesse! Le journal est achevé et proprement plié pour être envoyé à l'hôpital. Si les malades avaient de bonnes lectures, ils se guériraient l'âme en même temps que le corps. Il y en a tant qui l'ont si mauvaise. Pourtant, Mademoiselle Aurélie n'est pas pessimiste. Sans doute, il y a du mal sur la terre. Il y a les morts, les maladies. Il y a la méchanceté aussi. Mais celle-ci est plus rare qu'on ne dit. Souffrir, on s'y habitue. Et les morts des bien-aimés, ce ne sont que des au revoir pour un voyage un peu plus long. Un pays un peu plus lointain. Geneviève, qui était sœur de Mademoiselle Aurélie, a suivi son mari en Amérique. C'est bien comme si elle était morte, aux lettres près. mais elles sont si rares. D'avoir pensé à elle, Mademoiselle Aurélie décide qu'elle va lui écrire. Sans doute, elle ne lui doit pas de lettres, mais à l'étranger, on est si heureux d'en recevoir du pays. Mademoiselle Aurélie va s'asseoir devant le vieux petit bureau d'acajou, dont Monseigneur fit présent à son grand-oncle. D'un tiroir, elle extrait une belle feuille de papier mauve. Elle essaie sa plume, et très droite, posément, les lunettes un peu penchées sur le nez, elle soumet dans une longue causerie. Elle ne raconte point ses soirées solitaires, ses rhumatismes, l'argent perdu par la faute du notaire, les mauvaises récoltes du petit bien à la campagne, que sa taille se casse un peu et que, quelquefois, il lui semble que son oreille devient dure. Mais en revanche, elle avise sa nièce que l'hiver s'annonce clément, qu'il y a encore de très belles journées, que les visites de M. Jacques lui sont des joies précieuses. Et surtout, elle est si heureuse des bonnes nouvelles de Geneviève, que les enfants aillent bien, que son mari fasse de bonnes affaires. Elle glisse une foule de recommandations timides, très sages ou absurdes. La lettre est finie. Mademoiselle Aurélie relit avec soin son écriture régulière et fine, pointe un i, barre un t. Voici l'adresse écrite et vérifiée, l'enveloppe timbrée. Elle allume une bougie, prend un bâton de cire et d'un geste précis grave une empreinte irréprochable sur un large cachet vert foncé. Alors elle est satisfaite et le bureau refermé tire son tricot du bas de soie noire et se met au travail, absorbée dans ses pensées. De temps en temps, un sourire effleure ses lèvres ou un petit soupir gonfle sa poitrine. Elle revit toute son existence d'autrefois, celle de ses amis, leur tristesse et leur joie. Elle a des colères et des enthousiasmes ardents, des terreurs, des triomphes, des passions. Et les heures s'envolent rapides dans une vie si fiévreuse et si occupée. Dire qu'il y a des gens qui se trouvent seuls quand tant d'êtres, quand tant de choses sont avec vous, si vous le voulez, et se disputent votre attention. La demi d'onze heures sonne. Mademoiselle Aurélie se lève, replie son tricot. Pourvu que cette folle de Marie-Jeanne ait bien fait son marché et n'oublie pas ses casseroles. L'autre jour, il y a 2 ans peut-être, n'avait-elle pas brûlé sa crème, et une autre fois, à ce souvenir, elle rougit encore. Sucré son pot-au-feu. Escortée de Minet, Mademoiselle Aurélie sort du salon. Une odeur de bonne cuisine chatouille ses narines. Marie-Jeanne officie grave au milieu de ses poilons. Du coup de l'œil, elle voit entrer Mademoiselle Aurélie, mais sa dignité lui commande de ne la point apercevoir. Pourtant, elle serait très froissée si Mademoiselle oubliait sa visite quotidienne. Mademoiselle Aurélie inspecte tout d'un air mi-soupçonneux qui peu à peu se fait plus content, et elle finit par déclarer d'un ton bienveillant « Allons, ma fille, tout ceci n'est point trop mauvais aspect, et espérons que M. Jacques sera satisfait. » Et elle rentre au salon. Midi moins un quart. M. Jacques ne tardera guère. Un dernier regard sur le salon bien en ordre, et puis Mademoiselle Aurélie s'approche de la glace. Elle lisse ses bandeaux plats, arrange son fichu noir. Il ne faut point être à faire peur. Et ce n'est pas sans coquetterie qu'elle fait bouffer ses manches de soie. L'autre jour, M. Jacques a admiré son médaillon. Cependant, un coup de sonnette retentit. On entend s'ouvrir la porte d'entrée. Un frais éclat de rire se perle avec une fusée de paroles joyeuses. La voix de Marie-Jeanne répond grondeuse et enchantée. Assise sur un canapé, Mademoiselle Aurélie frémit d'impatience. Son cœur bat plus fort. D'avance, sa bouche s'épanouit dans son sourire. Il n'est pas encore rentré, mais déjà elle jouit de le sentir là. Un petit pas pressé devant celui de Marie-Jeanne. La porte s'ouvre en coup de vent et les 6 ans de M. Jacques ne vibrent pas d'une joie plus parfaite que les 60 ans de Mademoiselle Aurélie. Voilà le bonheur. C'était Mademoiselle Aurélie par André Lichtenberger.